gens se cachent, c'est bien connu. Les gens se masquent, les gens sont lâches. On l'a tous déjà entendu. Tous déjà pensé. Mais veut-on voir la vérité? Est-ce qu'on en a la moindre idée? Finalement, est-on vraiment prêt à admettre nos défauts et nos qualités? Et encore, les défauts, ça va. C'est marqué sous mon enseigne, c'est un gage de qualité. Mais les belles de nos jours ne sont plus respectées. Les gars font plus l'amour, ils préfèrent les sauter. Je suis pas un ange, et j'ai mes propres démons, mes propres questions sur la vie, ma propre vision, mais ça dérange.